tous les problèmes sont à peu près identiques. Et alors évidemment, au moyen de l'art, au moyen de des mots que l'on ajuste les uns aux autres, on arrive à créer un petit effet qui donne à une idée courante, à une idée banale, qui lui donne une apparence de... Pas de mots doux, rap me transporte, appelle-moi vaudou. Me voir finir au bout d'une corde, c'est bien tout ce que je redoute. On veut tous s'alléger par le bifton alléché, mais la pression est trop forte, passe-moi une petite feuille alléchée. Je pourrais tout envoyer chier bêtement, mais j'aime trop le battement, comme un grattement, genre qui fait effet immédiatement. Exactement, y'a trop de paroles et les actes manquent. Toi, tu leur fais confiance, mais ces bâtards te grattent, te mentent. Contrarié sur nos feuilles, charge le barillé, mais à coup sûr, ils se tirent dans le pied, ça tu peux parier. Nous on veut juste que t'écoutes, on cherche pas à briller. La vérité sort de nos stylos et n'est pas maquillé, manquillé. Dans le vrai, le fond a laissé place à la forme, comme le cœur et la passion ont laissé place à la somme. Mais tu crois quoi, la seule chose que l'on vient gratter, c'est des putains de ratures sur nos cahiers pour t'appâter. Je mâche pas mes mots, car cette vie est cruelle. Depuis bien longtemps, je combats mes démons en duel. Actuellement, combien se marche dessus naturellement, mais rien ne pourra changer tant qu'ils feront durer le manque. Je mâche pas mes mots, car cette vie est cruelle. Depuis bien longtemps, je combats mes démons en duel. Actuellement, combien se marche dessus naturellement, mais rien ne pourra changer tant qu'ils feront durer le manque. Ok, ça y est, je décolle, je m'envole vers les cieux. Pourquoi s'acharner à gâcher ce qu'on a de plus précieux, messieurs? Y'a trop de comiques à la cadmera, mais stop ta caméra, car tout est louche comme le cadmera. Passe-moi le grinder, j'ai de la weed dans mon kinder. Tu peux garder tes faux semblants, j'ai toute la rage dans ma pudeur. Et vu l'heure, non j'ai plus le temps pour plaisanter. Que Yaman, RBB Corp, je vais représenter. Hanté par l'échec, je sais c'est triste à dire, mais ici rien ne fonctionne. Si t'as pas par l'échec, personne ne tient par les chaînes, et encore moins par les Chine. Tu peux toujours monter le volume si t'entends pas que ça déchire. Je déchiffre tout ce qui se passe et j'en perds la tête. Alors s'te plaît, fous-moi la paix, je suis pas d'humeur à faire la fête, mais plutôt à gratter des couplets, à couder à ma fenêtre. Juste un texte de plus, chaque jour un test de plus. Je mâche pas mes mots, car cette vie est cruelle. Depuis bien longtemps, je combats mes démons en duel. Actuellement, combien se marche dessus naturellement, mais rien ne pourra changer tant qu'ils feront durer le manque. Je mâche pas mes mots, car cette vie est cruelle. Depuis bien longtemps, je combats mes démons en duel. Actuellement, combien se marche dessus naturellement, mais rien ne pourra changer tant qu'ils feront durer le manque.